pas se terminer parce qu'elle n'a jamais commencé. Ce que je vois dans tes yeux fermés, ce sont des larmes qui ne pourront pas sécher. Décomposer.